vacation. In some stupid little town, a black killer killing is the accused in Halloween town. She's a vampire free. She's got her own style. She's a vampire free. And when she's sick, she wants clever words. Salut à toutes et toutes, la tribu, bienvenue dans la 148e Vampire Fix, c'est Spike qui débarque dans le salon et vous êtes les bienvenus. Salut, salut, c'est Spike, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session de Vampire Fix. Je voulais vous remercier pour tous les gentils groupes qui m'ont laissé pas mal de sons là ces derniers temps. Merci à eux, merci au label. On commencera tout de suite avec Wild Animal de Running Wild. C'est aussi le titre de cet EP 4 titres sorti en 1990. On retrouve Wild Animals, Chain and Leather, Tear of the Down the Walls et Stortbaker, un classique. On écoutera ensuite Lonely Girl de Gregory Isaac, c'est sur l'album Cool Ruler sorti le 15 juin 1978. On retrouve Native Woman, World of the Farmer et Let's Dance, du son culte, on attaque fort cette semaine. On écoutera ensuite Against the World de Accept, c'est sur l'album Stalingrad, leur 13e album sorti le 6 avril 2012. On retrouve Stalingrad, Revolution, The Quick and the Dead, du bon gros trash allemand. On écoutera ensuite une nouveauté, Smells of Fire de Starets. C'est sur l'album From Lead to Gold, sorti le 1er décembre 2018. On retrouve St. John Elves, Silver Snake et Memories Box. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes. Ils sont chez Kebra Records, un petit like au passage. Et on finira ce bloc en live avec Peace of Action de Motley Crue. C'est sur l'album Too Fast for Love, leur premier album sorti le 10 novembre 1981. On retrouve Love Wire, Public Enemy No. 1, Come On and Dance, du son classique. you're having lots of fun, and you think it is fine. But it's gonna break your heart the very same way as you broke mine. Broke my heart. As you broke mine. Broke my heart. You know how it feels to be lonely. Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. Right. Qu'est-ce que c'est bon, ça monte l'écran en live. Vous êtes toujours dans la 148e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Wild Animal de Running Wild, Lonely Girl de Gregory Isaac, Against the World de Accept, Smell of Fire de le nouveau Star Ace, et on a fini ce bloc avec Piece of Action de Motley Crue. D'ailleurs, j'ai lu il n'y a pas longtemps qu'il va se faire un topic sur Motley Crue et j'ai oublié de préciser, Piece of Action, c'était en vinyle. On continuera cette émission avec Gonna Get You de le Badass Motherfuzzer. C'est un deux titres sorti le 5 octobre 2017. On retrouve Gonna Get You et Fall For You. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Vivement l'album et j'espère qu'il sortira bientôt. On continuera avec une nouveauté, la Ligue des Justiciers de Freeholing. C'est sur l'album Frightful Piece of Hate. Sorti le 29 septembre 2017, on retrouve Children of Society, Master of the Thaw et Extremist Terrorist. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Gold Spoon de Buju Banton. C'est sur l'album Stamina Daddy, sorti le 16 octobre 1992. On retrouve Quink, Bring Your Body Come et Mama Long Tongue. On écoutera ensuite Flesh of the Gods de Therion. C'est sur l'album Digwall, leur 9e album sorti le 31 janvier 2000. On retrouve Seven Secrets of the Sphinx, Enter Vridra et Degal, un classique du metal symphonique. Et on finira ce bloc en live avec Lithium de Nirvana. C'est sur le Live at Reading enregistré le 30 avril 1992 et qui est sorti en CD-DVD le 30 octobre 2009. On retrouve Breed, Aneurysm, On a Plane, etc. Enfin bref, tous les titres de Nirvana en live. Gonna get you. Young, fresh and green, man. Put your bantan on the case, watch out. Woman, when you look good, you make me happy ball out. It look like your band with gold spoon in your mouth, girl. So oh, you look good, you make me happy ball out. Look like your band with gold spoon in your mouth. I went shout it over the east, you look good. Over the south, you look good. I go and walk and spend the news all about. Yeah, you look good and you're the best without doubt. Go and tell the rest, would you be run the route? What I'm talking, it is not word I'm out. Girl, to oh, you look good, you make me happy scream out. It look like your band with gold spoon in your girl, to oh, you look good, you make me happy ball out. It look like your man will go and spoon in your watch now. At your hat. In a your own a frog. At your hat. Tell a girl dress back. At your hat. In a your own a frog. At your hat. Your number of data. Just make them stay there with them idle argument. The whole of them appear non-progressive element. You want move up in life to be independent. Watch me. A girl a watch your make. She go and watch you hear me. A girl a chat your make. She go and chat. Cause all them a chat you no response to that. You will get big in a life and that's a natural. But to how you look good, you make me happy ball out. It look like your man with gold spoon in your girl. To how you look good, you make me happy scream out. It look like your man with gold spoon in your mommy say, thank you mama for the 9 months you carry she. Thank you mama for bring her come here for me. Thank you mama for the 9 months you carry she. Thank you mama for bring her come here for me. Oh you look so good, you must be good in machine. Oh you shape so good, you must be shape good machine. Oh you dance so good, you must be dancing machine. Oh you smile so good, you must be watch me girl me all. The way you look good, me make me happy ball out. It look like your man with gold spoon in your girl. To how you look good, you make me happy scream out. It look like your man with gold. Watch me now, I go and shout it over the east. You look good over the south. You look good. I go and walk and spread the news all about. Go and tell the world you want the best without doubt. What the pants and I say it is not word of mouth. Go and tell the world, girl, you run the road. So me say, girl, you look good, you make me happy ball out. You look like your man with gold spoon in your. Watch me, girl, you look good, you make me happy ball out. It look like your man with gold spoon in a dem. Watch me at your hat. In a your own a frock, at your hat. Tell a girl dress back, at your hat. In a your own a frock, at your hat. Watch out, so girl just make them go and talk. Or make them go and chat. All them a chat, you no response to that. You want get big in a life and that's a natural fact. If I watch them a watch, well make them go and watch. And if I chat them a chat, well make them go and. But just to how you look good, you make me happy ball out. It look like your man with gold spoon in a yo. Girl, to how you look good, you make me happy scream out. It look like your man with gold spoon in a yo. Truly white all girl them, if I look at. Red is what girl them, if I look fat. Dunkirk girl them, act no what not. Uptown girl them, if I look. I just to how them look good, put you happy ball out. Look like your man with gold spoon in a yo. Girl, to how you look good, you make me happy ball out. It look like your man with gold spoon in a yo. I go and shout it over the east, you look good. Over the south, you look good. I go and walk and spread the news all about. Go and tell the world, you're the best without doubt. What the bantan I said, this is not word I'm out. Girl, you look good, you make me happy ball out. It look like your man with gold spoon in a yo. Be a lot woman, you look good, you make me happy ball out. It look like your man with gold. What a father, so girl, you look good. A girl like you, a mad them, girl, you look good. And that's a cause the problem, I true, you look good. Girl, you not stop mad them, girl, you look good. And that's a cause the problem, so girl, break out. Cause you know, so you're fresh, break out. Girl, cause you know you are the best, break out. You don't lose a music contest, break out. Because you ever look fresh. Vampire Frix, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. We'll be right back. I'm so happy, cause today I found my friends. You're in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Broken is Sunday morning, it's every day for all I care. I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God. Nirvana en live, ça s'écoute jusqu'à la dernière note. Vous êtes toujours dans la 148e Vampire Fix et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Gonna Get You de Badass Motherfuzzer, La Ligue des Justiciers, le nouveau Freeholding, Gold Spoon de Buju Banton, ça y en aura d'autres du Buju Banton. On a eu ensuite Flesh of the Gods de Therion et on a fini ce bloc en live avec Lithium de Nirvana. On continuera cette émission avec un petit ska sympathique. I Want to Be Your Girl de Slakers, c'est sur l'album The Slakers qui était sorti uniquement en cassette en 1993 et qui a été édité en CD en 2003 et remasterisé. On retrouve The Boss, Go Go Go et Pockets of the Rich Man et Chewy on a Face. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite La Lune est pleine, le nouveau Vaudou Joséphine. C'est sur l'album Initiation, c'est un EP 6 titres qui est sorti le 6 mai 2018. On retrouve Tout Seul, La Bohème et Satan, La Lune est pleine, On est comme on est, Antidouleur et Hello. On les retrouve sur Facebook, SoundCloud, d'ailleurs YouTube, on retrouve le clip La Lune est pleine sur YouTube et toutes les plateformes numériques. Et aussi pour toutes les commandes d'albums, c'est sur vaudou-joséphine.fr. On écoutera ensuite Lâcher les chiens, le nouveau Madame Guillotine, c'est sur l'album Politique Circus, sorti le 12 février 2018. On retrouve Vous êtes le peuple, Des nouvelles du ciel et Sable mouvant. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera, allez, pour moi un grand classique, I Want It All de Queen, c'est sur l'album The Miracle, sorti le 22 mai 1989. On retrouve Party, Rain Must Fall et Breathing. On écoutera ensuite, on finira en live d'ailleurs, avec Gauche-Droite de Alpha Blondy. C'est sur l'album L'Africain, son 8e album, sorti le 24 septembre 2007. On retrouve Ouvrez les frontières, featuring Soprano, Un Africain à Paris, et Viens voir, un classique du reggae ivoirien. temps et la fin s'éveillent. Mes crocs et mes ongles bien affûtés hurler, hurler. Mes crocs et mes ongles bien affûtés hurler, hurler. Hurler, hurler. J'ai faim, j'entends les échos. Je ronge les derniers os. Il n'y a plus de traces et je j'entends les échos. Je ronge les derniers os. Il n'y a plus de traces et je trace. Ton palpitant dans une corbeille, mon ventre et son creux comblé, hurler, hurler. Mon ventre et son creux comblé, hurler, hurler. Hurler, hurler. Enfin j'entends les échos. Je ronge les derniers os. Il n'y a plus de traces et je trace. J'ai faim, j'entends les échos. Je ronge les derniers os. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. c'est la même chose. Gauche, droite, y a-t-il autre chose? Gauche, droite, c'est la même chose. Gauche, droite, c'est la même chose. Pour voir tout, chacun à son tour. Ça fait le tour, ça tourne, ça tourne. Le pouvoir tout, les peuples souffrent. Le pouvoir tout, ça fait le tour, ça tourne, ça tourne. I said, gauche, droite, c'est la même chose. Gauche, droite, y a-t-il autre chose? Gauche, droite, vous changez les choses. Gauche, droite, c'est la même chose. Ça recommence, toujours le même récital. C'est comme les chaises musicales. Ils dansent avec nous, et nous on danse avec les loups. Ça fait le tour, ça tourne, ça tourne. Le pouvoir tourne. Chacun a son tour. I said, gauche, droite, c'est la même chose. Gauche, droite, y a-t-il autre chose? Gauche, droite, vous changez les choses. Gauche, droite, c'est la même chose. Quand ils sont au pouvoir, ils ne lèvent pas le petit doigt. Mais lorsqu'ils ne sont plus aux affaires, ils veulent tout refaire. Gauche, droite, c'est la même chose. Gauche, droite, y a-t-il autre chose? Gauche, droite, vous changez les choses. Gauche, droite, on a la note de dose. Si l'on ne fait rien, il y aura toujours des vauriens. Des militaires à la porte du pouvoir ne feront plus leur devoir. Et ça sera un pas en avant, deux pas en arrière. Le tour, le tour, le tour, le pouvoir tourne. Les peuples souffrent, le pouvoir tourne. Paix son souffle. I say, gauche, droite, c'est la même chose. Gauche, droite, c'est la même chose. Gauche, droite, on a la même chose. Gauche, droite, vous changez les choses. Gauche, droite, on a notre dose. Merci. On vient de s'écouter I Want to Be Your Girl de Shakers. On a eu ensuite La Lune est pleine, le nouveau Vaudou Joséphine. On a eu ensuite Lâcher les chiens, le nouveau Madame Guillotine. J'ai passé le grand classique I Want It All. Et on a fini avec Gauche, droite et... de Alpha Blondie. On écoutera ensuite une autre nouveauté, Someday de The Togs. C'est sur l'album original qui est sorti le 14 février 2019. J'ai eu que deux titres, Someday et Lipstick Trace, pardon. Donc du coup, j'attends l'album. On les retrouve sur Facebook, YouTube et sur le Wix thetogs.fr. On écoutera ensuite Never Back Down, le nouveau Empty Heads. C'est sur l'album Empty Heads, leur premier EP, sorti le 11 octobre 2018. On retrouve Never Back Down, Not Good to Marry, So Sad et Swallow. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Un super EP, vivement l'album. Ils sont en tournée actuellement, ils cherchent des dates. Alors, amis, associations, et ben voilà, il y a Empty Heads qui est disponible. On écoutera ensuite Children Crying de The Congos. C'est sur l'album Art of the Congos, sorti en 1977. On retrouve Congoman, Open Up the Gate, Sodom and Gomorrah. Le producteur n'est autre que Lee Scratch Perry. Et c'est sur enregistré sur les au studio Black Ark, du son culte. On écoutera ensuite une nouveauté, Murder Rock, de Hobson Geshop. C'est sur l'album Master of Giallo, son 8e album, qui est sorti le 18 janvier 2019, donc dernier. On retrouve April Fool's Massacre, Body Pieces et The Death of Kiss. J'adore, ils sont français, du gros son bien lourd. On les retrouve sur Facebook et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec Les Sales Majestés et le titre Les Patrons. C'est sur l'album Weekend Sauvage, sorti en 2016. On retrouve tous les classiques des Sales Majestés, La Petite Caissière, Bienvenue, La Rage. Tout, je vous dis, il y a tout un top album. I hear the birds in the wind laughing me on my way. It's the night I'm walking alone. I need your hand in my hand to cross all this desert land. I lost my faith, I'm shivering inside. Desolation, desperation, desolation around me. Depression, destitution. Never give it up, I surrender. Sometimes I dream we fall out. I know it's written in the sky just above. Someday I think I should learn to pray. Cause the wind might wait for me on down the road. Soaring clouds of heads, lingering after dusk, and dancing at the end of my steel. I know the world that's perfect, I won't have eyes up to it. I only want with the answer. Desillusion, desperation, desolation around me. Depression, destitution. Never give it up, I surrender. Sometimes I dream we fall out. I know it's written in the sky just above. Someday I think I should learn to pray. Cause the wild might wait for me on the road. Sometimes I dream we fall out. Sky just above. Someday I think I should learn to pray. Cause the white man wait for me on down the road. Desperation, desolation around me. Deep depression, destitution. I'm a surrender. Sometimes a dream will fall out. I know it's written in sky just above. Someday I think I should learn to pray. Cause the one man wait for me out on the road. Someday to live seems so hard. I can't stand the misery. But somewhere some people have seen vain. I'm asking what can I do. But time to think will be through. When death will come and ask for its due. Desillusion, desperation, desolation around me. Depression, destitution. Never give it up as I run. Sometimes a dream will fall out. I know it's written in sky just above. Someday I think I should learn to pray. Cause the wild man wait for me along the road. Sometimes a dream will fall out. I know it's written in sky just about. Someday I think I should learn to pray. Cause they white man wait for me on the road. Said the white man wait for me on the road. Said the white man wait for me on the road. Said the white man wait for me on the road. Said the white man wait for me on the road. Welcome to my world. Dire Fric chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. We'll be right back. Social du MEDEF. Je sens que ça va vous ravir. Sur nos chers patrons et EADS, pendant qu'ils virent, ils prennent le pognon. Les patrons, c'est comme les cochons, ça ne mérite qu'une bonne éplomb. Mais la seule chose que ça sait faire, c'est de voler ses propres frères. Alors arrêtons de nous laisser faire, on en a marre, oui, de la misère. Allons reprendre ce qu'on nous doit à ces salopards de bourgeois. Oui, on est plein de citoyens, votons. Ces crétins, ce sont des bâtards en costard qui assassinent à coups de dollars. Il y a des flingues citoyens, dotons le cul à ces crétins, dotons le cul à ces crétins. Oui, les patrons, c'est comme les cochons, ça ne mérite que la pendaison. Ce sont des gens sans foi ni loi, des mouches à merde qu'on abat. Vous êtes toujours dans la 148ème Vampire Fix, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Someday, de nouveau The Togs, Never Back Down, de nouveau Empty Head, Children Crying, de The Congos, Murder Rock, le nouveau Hobson Geshopf. Allez sur les pages Facebook de Empty Head et Hobson Geshopf, il y a du super bon son. Vous demandez The Togs aussi. Et on a eu ensuite donc Murder Rock d'Hobson Geshopf. Et on a fini avec les patrons en live des Salles Majesté. On continuera cette émission en live avec Aux Armes, etc. de Gainsbourg. C'est sur l'album Casino de Paris 85. Sorti en 1985. On retrouve Love on the Beat, I'm the Boy et My Lady Ruin, un classique quasi culte. On écoutera ensuite une nouveauté et même une exclusivité, Reason de Paradigme. C'est sur l'album Paradigme, leur premier album, qui paraîtra le 8 mars 2019. On retrouve Scar of Lies, Buried et Hunted, un excellent album qui paraîtra donc chez Ellie Promotion, juste une trace. Merci à Ellie et des encouragements à ce super bon groupe. parisien. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp. L'album y est déjà de Paradigme sur Bandcamp. On les retrouve sur YouTube et toutes les plateformes. Et un petit pouce au passage, ça serait sympa. On écoutera ensuite une autre nouveauté, Colores de Scapé. C'est sur l'album Game Over, sorti le 5 octobre 2018. On retrouve Acheton, Eurotrauma, Patriotadas et El Bouffon. Et je pense que El Bouffon, ils ont dû l'écrire pour Macron. Et on continuera avec une autre nouveauté, Eclipse de Black Bart. C'est sur l'album Cazneville Back, sorti le 24 juillet 2018. On retrouve Cyclone, Le Dernier Voyage, Les Sirènes. Ils sont sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. Ils sont de Paris et je les kiffe grave. Et on finira ce bloc en live avec un super grand classique, TNT de AC/DC. C'est sur l'album Live, sorti le 27 octobre 1992, qui avait été enregistré pendant la tournée de l'excellent album Razor's Edge. On retrouve Thunderstruck, Back in Black, Money Talks, un classique. Debout les deux, Casso. Debout. Ce Gainsbourg respecte les traditions. Shit, man. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnons. Amour sacré de patrie, conduis, soutiens nos bras vengeurs. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs. Aux armes, etc. Aux armes, etc. Aux armes, etc. Aux armes, etc. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Ils trouveront leur poussière et la trace de leur vertu. Aux armes, etc. Aux armes, etc. Aux armes, etc. Aux armes, etc. Aux armes. Aux armes. Wait. Yeah. en un cuerpo equivocado, atrapada en piel de hombre y una mente de mujer. No eres normal, berreaban los demonios, le robaron la sonrisa innata de la niñez. Libre, sueña ser libre, entre mofas y exclusión. Quieres ser libre, del todo libre, y obedecer al corazón. Amale, amala, ignora toda religión que no te permita amar. Amale, amala, levanta la multicolor, viva la diversidad. Dura opresión que se esconde entre la burla, el desprecio y la ignorancia de un cerebro medieval. ¿Quién cojones eres tú para incidir en vida ajena? Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. L'horreur nous a envahis, disparu, la joie s'est écrit. Se joue de nos craintes et de nos frayeurs. Yeah. Dans Vampire Fix, on garde toujours le meilleur pour la fin. On vient de se faire un gros bloc qui déchire, Aux Armes, etc. de Gainsbourg. Reason, le nouveau paradigme et l'exclusivité. Colores de Scapé. Eclipse de le nouveau Black Bart. Alors là, il y a du bon. Hein. Paradigme, Black Bart, c'est du très très bon. Et on a fini ce bloc en live avec TNT de AC/DC. On finira cette émission avec Survivre en ennemi en live de Soldat Louis. C'est sur l'album Happy Birthday, donc le live des 20 ans. C'est leur 11e album sorti en 2009. On retrouve Tiré des caisses, C'est quand clé qu'on change de pays, du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu, avec modération. Kenavo, à la semaine prochaine. Cette 148e Vampire Fix touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore d'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission. Si vous êtes un groupe, contactez-moi. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Salut à toutes et tous, la tribu! Qui brille à certaines heures, qui fait qu'on attend.